Quelques petites explications pour que vous compreniez bien ce que vous allez entendre. Alors là, c'est la deuxième partie, et il y en aura d'autres parties, sur ce sommet européen citoyen, sur ce sommet citoyen européen qui a été mis en place par une petite équipe de gens. Ça durait le temps d'un week-end et le micro ouvert restait le samedi, pas le dimanche. Le dimanche, paraît-il, c'était plus des ateliers. Le samedi, c'était vraiment de la papote. Alors, on a pu entendre dans la première partie Anne-Emmanuelle Bourgaud, qui est juriste, et on a pu entendre aussi Arnaud Janssen, avocat. Là, maintenant, on va entendre le public, ce fameux public qui est là, hein, qui pose des questions. On entendra aussi un bout de Senta de Peut, qui est journaliste. Est un virus, il est impossible de se voir. Confinés, on était tous les deux confinés dans un studio de 30 mètres carrés. On n'était pas préparés à ça, toi et moi. J'ai oublié par erreur mon attestation, j'avais pas marqué l'heure, je me suis planté dans la raison. Elle court, la maladie tout court, de Chine jusqu'à Paris, la terre entière est envahie. Des pistes, tant que le doute existe, traque le virus partout. Elle m'a dit d'aller tousser là-bas dans la cuisine, de l'attendre avec une petite plaquette de chloroquine. L'argent magique, une histoire de fou, tu crois qu'il n'y a pas de sous, et en fait si. Zoom, j'ai rendez-vous sur Zoom, j'utilise plus que Zoom, cette appli est une merveille. Déconfinez-moi. Déconfinez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Il suffirait de presque rien, juste un kilomètre de moins, pour que je passe prendre un verre. Mais ton département est rouge, et il faudra pour que tu bouges, attendre qu'il devienne vert. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes au total, et se prendre une prune de 135 balles. Elle est chiante, l'infection insolente, et unie en réa, les prolos et les chefs d'État. Confinés, on a bien failli s'entretuer, heureusement qu'on n'était pas armés. Bien sûr, le 11 mai, il pleut. Ça pouvait pas tomber mieux. Zoom, quand je mange, je suis sur Zoom. Même quand je dors, je suis sur Zoom. Oh, je tousse tout seul. Je tousse et je suis de plus en plus seul. Tellement si bête, je l'aime tellement si fort. Mais si je meurs demain, je serai sans tristesse. Car au moins j'ai revu tous les films de Louis de Funès. Sache tous tout ça. Reconfinez-moi. Reconfinez-moi. Y avait que ça dans l'actualité. Maintenant on ne sait plus quoi chanter. C'était plus simple à mon avis. Autant béni de la pandémie. Certes, y a eu quelques milliers de morts. Mais je n'ai pas trop de remords. J'ai investi chez Sanofi. Autant béni de la pandémie. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Parler des violences policières. C'est pas malin à mon avis. Ça va t'attirer des ennuis. On prendra en tout cas cet été des grandes vacances bien méritées. En se rappelant entre amis. Le temps béni de la pandémie. On pense encore à toi, Corona. Donc, merci beaucoup. Voilà, moi je viens avec micro une question, ouvert. Aussi sur un plan. D'abord, merci beaucoup pour cet exposé qui remet clairement les principes en relief. et notamment celui de la proportionnalité. Et je fais partie de ceux qui ont l'impression que cette question n'est pas débattue comme elle se devrait dans la presse et dans le débat public. Et étant moi-même juriste et avocat, j'ai encore l'espoir que c'est par le milieu judiciaire que peut-être un jour ce débat pourra avoir lieu. Alors, j'entends qu'il y a des actions en justice qui ont été introduites. J'ai entendu un avocat allemand qui disait qu'il était aussi au barreau de New York, qui disait qu'il y avait des class actions qui se préparaient aux États-Unis. J'ai entendu qu'il y a un pool d'avocats français qui se prépare. En fait, je voudrais vous demander cette question de la proportionnalité qui pourrait poser en fait toute la question du débat de est-ce que les mesures qui sont prises aujourd'hui sont vraiment en lien avec le danger, particulièrement aujourd'hui dans cette seconde vague. Est-ce qu'il y a maintenant très concrètement, sur le plan même technique, est-ce qu'il y a un lieu, une juridiction où vous voyez que ça pourrait se faire? Donc en particulier, on imagine si c'est un arrêté de gouvernement, est-ce que ce serait le Conseil d'État? Est-ce que c'est la Cour constitutionnelle? Est-ce que c'est les juridictions civiles, simplement en responsabilité de l'État, ou est-ce que c'est la Convention européenne, enfin, le Conseil, la Cour européenne des droits de l'homme? Enfin, comment faire pour que ce débat ait lieu et de, peut-être que les tribunaux nous permettent que ce débat s'ouvre alors qu'il n'a pas l'air de pouvoir s'ouvrir ailleurs? Merci beaucoup. Effectivement, la notion de proportionnalité, il y a aussi une autre notion qui est celle de nécessité, plus basiquement aussi. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu le film qui est sur les écrans actuellement, Un pays qui se tient sage, où il parle surtout de ce qui s'est passé en France, parce qu'en France, les choses sont beaucoup plus violentes que chez nous. Là, on montre clairement, il y a une République qui essaie de garder le monopole de la violence pour elle-même. On a vu que ce principe n'est pas partagé partout. Aux États-Unis, la Constitution a été faite pour laisser aux citoyens, ce qui pose des gros problèmes aussi, le port des armes pour se défendre d'un gouvernement qui irait trop loin. Donc la notion de dire automatiquement il y a un monopole de violence pour l'un n'est pas toujours très claire. Et d'autre part, quand on voit des femmes et des enfants qui sont bousculés par des robocops devant la Tour des Finances, on se demande vraiment s'il y a nécessité et encore plus proportionnalité. Je ne sais pas qui veut répondre. Celui qui est à longueur de fil. Donc oui, juste sur la question des recours, mais c'est... Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est ce qui se passe pour le moment, c'est que donc l'inversion de cette pyramide fait que c'est en effet toujours les exécutifs qui décident pour le moment. Et mon collègue en a parlé. Depuis la mi-mars, toutes les mesures au niveau fédéral, j'entends, qui vous frappe, qui s'impose, celle qu'on a par exemple annoncée hier. Moi, j'ai personnellement aucun doute sur le fait que ce sera un arrêté ministériel Covid qui va apparaître au Moniteur belge, à mon avis, dimanche ou lundi. Donc, si vous voulez, c'est toujours la même forme. On en est au 15e, je comptais encore ce matin, 14e, 15e depuis la mi-mars. Et c'est donc des arrêtés ministériels. Si, allez-y, franchement, je vous invite à le faire. D'ici à lundi, vous verrez, vous penserez à moi. Ça va apparaître dimanche ou lundi, vous allez sur le Moniteur belge, vous tapez Moniteur belge et ça apparaît sur la première, et c'est des arrêtés ministériels en vue de lutter pour le Covid-19. Enfin, il y a Covid-19 et c'est des arrêtés ministériels pris par le seul ministre de l'Intérieur. Et donc ça, cette norme-là, c'est un acte administratif, c'est attaquable devant le Conseil d'État, et il y a plusieurs recours qui ont déjà été introduits devant le Conseil d'État, avec un problème majeur qui est lié aussi à tout ce qu'on a dit, c'est que la plupart du temps, ces mesures sont provisoires, et que, évidemment, si ça vaut 15 jours, vous voyez, et que vous faites tout le processus devant le Conseil d'État, vous risquez que ça aboutisse longtemps après que la mesure ait déjà été changée. Et donc les avocats introduisent recours en urgence, et du coup, quand vous introduisez une demande de suspension en urgence, il faut vraiment, les conditions sont très sévères pour obtenir la suspension de l'acte. Et pour le moment, dans tous les recours qui ont introduit, en fait, indépendamment de la question de fond, la proportionnalité, est-ce que ça intervient, finalement, est-ce que c'est une immixtion trop grande dans le droit et liberté, ça n'arrive pas jusque-là, parce que c'est sur la question de l'urgence que le Conseil d'État, pour le moment, rejette les recours, avec, si vous voulez, ça c'est vraiment, vraiment, oui, hein, le problème, c'est que c'est des mesures en urgence qui ne vont pas durer longtemps, qui sont vite changées. Donc, il faut introduire des recours en urgence. Mais quand vous introduisez des recours en urgence, il faut démontrer l'urgence, il faut bétonner alors des questions techniques, la recevabilité, l'extrême urgence, l'intérêt. Et ça, à chaque fois, ça ne passe pas la barre. Ça, c'est un premier lot de recours. Un deuxième lot de recours, alors, votre cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle, ben non, pour le moment, il n'y a rien à la Cour constitutionnelle parce qu'il n'y a pas de loi. Mais non, c'est, oui, puisque c'est toujours des arrêtés de l'exécutif. Après, il y a un autre type de recours. Là, on parle, vous voyez, d'attaquer les règles. Les règles, il n'y a pas que sur les arrêtés ministériels, les circulaires aussi au niveau, à d'autres niveaux ont été attaqués. Mais il y a aussi le fait, j'ai une amende, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je conteste l'amende? Et ça, c'est un autre, donc vous avez une amende, eh bien, est-ce que vous pouvez contester l'amende? Oui, quand même, hein, franchement, c'est de nouveau état de droit, oui, vous pouvez contester l'amende. Après, il y a de nouveau une difficulté là, parce que le type d'amende, il y a plusieurs types d'amendes qui sont imposées pour le moment, et c'est très compliqué, en effet, déjà de savoir à quel titre on nous impose l'amende. Mais par ce biais-là, il y a aussi moyen de contester alors d'où vient l'amende. Et alors j'en parle parce que la presse en a parlé. Il y a eu récemment un jugement du tribunal de police à Charleroi, qui, à mon avis, vraiment très intéressant, parce que là, la juge, si vous voulez, à cette occasion-là, quand on conteste l'amende, là, c'était le cas de quelqu'un qui avait une amende pénale parce qu'il avait bu de l'alcool en rue pendant le confinement. Et l'argumentation développée par l'avocat, c'est qu'on ne pouvait pas faire ça sur base d'un arrêté ministériel et que ça ne rentrait pas en plus dans les clous de ce que pouvait faire le ministre. Voilà, c'est des arguments de juridiques, si vous voulez, sur l'acte qui impose l'amende. Et la juge, à mon avis, dans un arrêt, dans un jugement assez historique, enfin, sinon historique, en tout cas très courageux, a développé tout ce qu'on est en train de dire en disant... Voilà, hein, qu'on soit pour ou contre, au fond. Hein, est-ce qu'on trouve qu'il faut agir? Vous voyez, l'immunité collective, l'immunité... Indépendamment de ce débat-là, la fin ne justifie pas les moyens. Parce qu'en fait, finalement, toute la question est là. Hein, c'est est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que l'objectif de lutter pour la santé publique et l'objectif sanitaire justifie n'importe quoi au niveau juridique? Eh bien, ces juges-là, en tout cas, mais attention... C'est le seul que je connaisse jusqu'à présent. Hein. Cette juge-là dit, mais non, la fin ne justifie pas les moyens. Et donc, là, je considère que le ministre de l'Intérieur n'avait pas le droit de imposer cette infraction. Et donc, j'écarte cet arrêté. Et donc, je mets à mal, je ne reconnais pas l'amende. Il n'y a pas d'amende. Voilà. Ceci étant dit, moi, c'est un des seuls, j'en ai eu quelques-uns en vue, parce que c'est le problème aussi, c'est que, pour revenir à ce que vous disiez, peut-être une des choses les plus complexes à l'heure actuelle, c'est qu'on est tous impactés par le Covid-19, aussi dans nos fonctionnements professionnels. Et je voulais revenir là-dessus parce que je trouve qu'on est un peu dur sur les journalistes. Moi, personnellement, je ne crois pas. Les journalistes, vous savez, pour être en contact hein, avec pas mal de journalistes, ils encaissent aussi la crise du Covid-19 parce qu'il y a des restrictions dans les rédactions. Ils sont en télétravail. Allez-y hein, pour boucler un journal et avoir une politique éditoriale quand vous êtes chacun chez soi. Donc, ce n'est pas évident non plus. Et les juges, même chose. Les juges, ils ont aussi encaissé la crise parce que ça a posé des questions, est-ce qu'on continue les audiences, est-ce qu'on fait en ligne, etc. Enfin, et donc, de nouveau, ce qui est très compliqué, c'est que les juges se retrouvent aussi à devoir juger des affaires dans les mêmes conditions juridiques que les nôtres, c'est-à-dire urgentes, aléatoires, dans les conditions juridiques qui sont les nôtres, dans les conditions matérielles qui sont les nôtres, dans l'instabilité, dans l'urgence, dans l'incertitude. Donc voilà, en termes, pour répondre à votre question, en termes de recours de ce qui existe, c'est qu'il y a, et ça c'est bien, ça fait vivre notre démocratie, il y a quand même des recours contre ces arrêtés ministériels ou contre ces circulaires. Je pense à un recours aussi qui a eu lieu sur, vous voyez, le port du masque pour tous les étudiants dans le secondaire. Donc je sais pas, moi j'ai un enfant qui est dans le secondaire, il porte en effet le masque de 8h du matin à 4 heures. Il y a eu un recours devant le Conseil d'État. Et c'est de nouveau la question de l'urgence. On n'a pas de réponse sur le fond, quoi. Est-ce que finalement c'est discriminatoire? Est-ce que c'est disproportionné? C'est chaque fois en amont que ça s'arrête. Et puis, du côté des sanctions, il y a aussi moyen là de contester. Je vous parle d'un jugement, mais c'est le seul que je connaisse. Donc tous les juges ne considèrent pas ça. Il y a des juges qui condamnent aussi au pénal et qui ne se posent pas ces questions-là. Donc c'est vraiment un jugement. Moi, je ne sais pas si tu en connais d'autres, mais moi, c'est le seul que je connaisse, tribunal de Charleroi. Les autres, on le sait, on est à plus de 100 000 infractions, même plus maintenant, à 100 000 infractions Covid-19. C'est isolé. Je parle de celui-là. Attention, je veux dire, ne sortez pas d'ici en vous disant on va contester, ça va aller. J'en parle parce que ça me semblait vraiment très intéressant comme jugement. Mais dans l'immense majorité des cas, soit les amendes ne sont pas contestées, soit quand elles sont contestées, mais ça ne donne pas lieu à un jugement comme ça de principe qui est la fin ne justifie pas les moyens. Parce que c'était très clair. D'un point de vue stratégique, je pense que le Conseil d'État n'est pas un bon choix. Pour la raison suivante, c'est qu'en France, par exemple, il y a des juridictions administratives qui s'occupent du fond. En Belgique, le Conseil d'État, c'est de la cassation administrative. Et c'est donc une technique qui ne permet pas d'apprécier énormément de questions. Donc ce n'est pas, en termes de stratégie, c'est certainement pas la meilleure juridiction. Moi, j'irai devant le juge civil, parce que le juge civil, il parle du fond du droit, que ce qui est en jeu, ce sont des droits subjectifs personnels à beaucoup de gens, donc on peut les faire valoir. Et vous devez savoir que le premier juge venu, le juge de paix, le juge de police, le juge de base, sa mission, c'est d'appliquer les principes, les règlements, les lois, mais ça découle des principes. Vous entendez souvent parler du concept de subsidiarité. Ça a l'air très compliqué, les Européens l'ont compliqué à plaisir, mais le sens est très simple. C'est que les institutions supérieures ne peuvent être saisies que après celui qui, sur le terrain, doit appliquer les règles. Et donc, la réponse d'Amiens, c'est il faut aller chez le juge de base et lui parler des droits, des droits, et si on estime que les droits ne sont pas respectés, des droits personnels, subjectifs, c'est ça, c'est personnel, il faut évidemment avoir un intérêt direct, légitime, etc. Mais il faut aller lui dire et dire que c'est ça. Vous savez, il ne faut pas aller à la Cour des droits de l'homme tout de suite. D'ailleurs, on ne peut pas. On va à la Cour des droits de l'homme quand on a tout épuisé. Et quand le juge national, ce qui est 99% des cas, a bien fait son job, la Cour des droits de l'homme n'est pas compétente. Elle n'est pas compétente parce qu'elle n'est compétente que si le juge national n'a pas bien fait son job. Donc, il faut aller voir nos juges de base. Et bien entendu qu'ils ont un rôle très important à jouer, en raison notamment de leur grande indépendance. C'est un élément clé, bien entendu. Il faut des juges courageux, évidemment, qu'il y en a qui, leur conception personnelle joue un tout petit peu. Il y a un principe d'impartialité, mais personne n'est neutre. Il est vrai que ce juge de Charleroi a appliqué le principe pas de peine sans loi, le juge de Charleroi, qui n'a pas condamné parce qu'on n'avait pas respecté le confinement. Il a dit pas de peine sans loi. Et je vais vous dire que ce n'est pas rien, pas de peine sans loi. C'est un droit qu'on appelle indérogeable. Je vous ai dit que la liberté de religion peut déroger et interdire, par exemple, la burqa. C'était accepté par la Cour des droits de l'homme. Mais la règle « pas de peine sans loi », on ne peut pas déroger. C'est au même niveau que le droit à la vie. C'est au même niveau que l'interdiction de la torture ou de traitements inhumains dégradants. C'est un niveau, pourquoi je vous parle de niveau? Parce qu'on appelle ça les droits indérogeables. On ne peut pas déroger. Quoi qu'il se passe, même en cas de crise, on ne peut pas déroger. Le droit à la vie a quelques exceptions dans le cadre de ce qu'on appelle le droit international humanitaire, le droit de la guerre. Mais sinon, on ne peut pas. On ne discute pas. Les traitements inhumains et dégradants, on ne peut pas y déroger. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que c'est une question, mais elle sera posée un jour. C'est ce qui s'est passé en mars-avril dans la maison de repos. Est-ce que, de manière directe ou indirecte, on a infligé une certaine catégorie de personnes des traitements qui s'assimilera à des traitements inhumains ou dégradants ? Et ce n'est pas une petite question. Et je vous le dis, il y a d'éminents professeurs, notamment de l'ULB, qui ont parlé de crimes de masse. Le terme était très fort, mais c'est un philosophe juriste qui l'a dit. Mais aller chez le juge de base, c'est la base. Merci beaucoup. On a donc retenu qu'il y a des grands principes juridiques, mais que malheureusement, ça prend parfois du temps. Et que si on change chaque fois de loi, ben, ça reporte encore plus les échéances. Donc il y a quelques principes de base qu'on a vus aussi sur le terrain. C'est que c'est toujours bien d'avoir un masque sur soi. Comme ça, si on les voit arriver, on peut vite le mettre. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on a vu aussi qu'il y avait des différences au niveau de base entre d'habitude les policiers communaux, avec qui il y a plus facilement moyen de parler, et les Robocops fédéraux qui arrivent avec leur masque et tout ça, qui aimeraient bien que ça serve. C'est là qu'on se fait gazer, qu'on se fait bousculer, femmes et enfants, y compris sur les marches en granit de la Tour des Finances. C'est là que ça se joue aussi. Maintenant, en France aussi, on a vu que le débat est parfois un peu plus avancé parce qu'il y a eu parfois plus de violence. Il y a une vidéo qui a circulé avec une dame qui disait qu'il y a beaucoup de lois qui ont été prises par l'exécutif plutôt que par le législatif et qui n'ont pas été faites en respectant les règles. À savoir, il n'y a pas eu les signatures des ministres qui ont lancé ces arrêtés ministériels. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en France. Et que du coup, ceux qui appliquent des lois qui ne sont pas des vraies lois ou des non-lois, pas de peine sans loi, le font sous leur propre responsabilité. Ça veut dire que si vous avez un policier qui est un petit peu trop acharné sur vous, il pourrait être tenu pour responsable puisqu'il n'y a pas de loi pour justifier son acte. Maintenant, il faudra un certain temps, il faudra trouver le bon juge ou les bons juges intermédiaires avant d'arriver à faire valoir ce point de vue. D'autres questions ? Ah là, il y en a beaucoup. Voilà, merci, bonjour. Donc moi, je voudrais revenir un petit peu sur le fait que donc, ce sont des arrêtés ministériels qui, pour l'instant, régissent tout ce qui est crise du Covid. J'ai une question que je pense que beaucoup de citoyens lambda, je vais dire, se posent. Quel est le risque que ces arrêtés deviennent des lois un jour ou alors que ces arrêtés restent? Vous dites que c'est ponctuel, mais quelle est la garantie que le citoyen peut avoir que ce ne soit que ponctuel ? En fait, si vous voulez, alors là, comme j'ai dit au début, moi j'ai la certitude de mes doutes. Mais il y a une chose dont je suis certaine, c'est que ce qu'il faudra, c'est que les parlementaires aient le débat. Et je ne parle pas qu'au niveau fédéral, je suis concernée avec les UNIF au niveau communautaire. Toutes les mesures qu'on prend sur les UNIF, là, on n'a même pas, en fait, un arrêté ministériel. Parce que quand je vous dis qu'on est dans le fond du panier des normes juridiques, on est vraiment dans le fond du panier. Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le fait que moi, j'ai dû me battre là pour encore voir mes étudiants, le fait que mon fils, il a un masque de 8 heures du matin à être, le fait que dans la culture, il se passe aussi, eh bien, on n'a même pas d'arrêté ministériel, c'est les circulaires, quoi. Et les circulaires... C'est la braderie des normes juridiques. Si vous voulez, normalement, une circulaire, c'est de nouveau adopté que par la seule ministre, et normalement, en fait, une circulaire, au départ, donc on est vraiment, c'est les soldes juridiques totales, c'est des instruments qu'on utilise pour expliquer, si vous voulez, clarifier des normes à destination des services internes. La ministre va dire, tiens, dans telle chose, vous allez interpréter ça comme ça, et hop, c'est une circulaire à destination interne de vos services. Et donc, depuis de nouveau les débuts de la crise, tout est adopté au niveau de la Fédération Unie Bruxelles dans l'enseignement obligatoire, supérieur, la totale, par circulaire. Et donc, même chose, on est dans le fin fond du panier juridique, mais surtout, les parlementaires ne se prononcent pas. Or, j'ai essayé de l'expliquer, mais je n'avais plus beaucoup le temps. Donc moi, je ne suis pas suspecte et je suis très bien placée pour dire ce que je vais dire parce que ça fait des années que je dis que la démocratie représentative n'est pas suffisante. Donc je trouve qu'il faut, c'est pas le débat ici, mais par exemple, moi, je suis personnellement une fan du référendum, du tirage au sort, etc. Mais après, ce que je constate dans cette crise, c'est qu'on a contourné cette démocratie représentative. Et que donc, je suis bien à l'aise pour dire, j'ai toujours dit que la démocratie représentative n'était pas suffisante, mais après, elle est aussi nécessaire. Or, ici, on a complètement contourné la démocratie représentative. Et par la porte ou par la fenêtre, on peut discuter, on peut changer ça. Moi, je le demande depuis des années. Mais au moins, s'il y a un débat parlementaire, ça représente indirectement, insuffisamment, mais au moins, ça nous représente. Et donc, il faudrait bien évidemment une loi. Moi, je ne comprends pas. Je le demande chaque fois que je vois un responsable politique. Je dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous ne voulez pas d'un débat parlementaire? Parce que, en plus, c'est non seulement théoriquement une exigence, mais en plus, pratiquement, je ne comprends pas. Parce que forcément, si vous voulez qu'on ne se sent pas du tout représenté, puisqu'il n'y a pas toutes les opinions qui s'expriment, c'est ça, en fait, le génie, excusez-moi, la démocratie représentative aussi, c'est de mettre en présence des gens très différents de toutes les régions linguistiques, de toutes les convictions philosophiques, de toutes les convictions idéologiques, et qu'il y ait un débat, et de nouveau, alors un débat public, parce que la grande force de la délibération parlementaire, c'est aussi que là, justement, on échappe à l'opacité de Sénat, enfin, je sais pas toi, mais moi je ne m'en sors plus, entre la gestion, le comité de crise, le VOSAL, le comité de concertation. La caractéristique de tous ces organes, c'est que si vous et moi, on veut avoir accès à ce qui s'y est dit, à ce qui s'est discuté, et à la motivation des mesures, ben on ne sait pas. Donc ça nous tombe comme ça, pouf, sur la tête, en plus à la dernière minute. Donc il faut évidemment une loi, pas seulement une loi, il faut un décret. Moi je veux bien faire tout ce qu'on veut là, mais que les parlementaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles en discutent et le décident. Et comme ça, moi parce que je suis une bonne élève à la Hermione d'Harry Potter, je pourrais aller lire, tiens, tel groupe politique a dit ça, tel parlementaire a dit ça, ben ça c'est incroyable, moi j'ai voté pour lui et je trouve qu'il raconte des carabistouilles, la prochaine fois je ne voterai plus pour lui. C'est ça le mécanisme, c'est ça. Et de nouveau, je le dis avec d'autant plus de force que je ne suis pas suspecte d'encenser la démocratie représentative. Ça fait des années que je dis qu'il faut aller plus loin que ça. Mais il faut aussi aller là. Et la démocratie représentative n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire. Ici, c'est même pas qu'elle a été contournée, c'est qu'on fait comme si elle n'existait pas. Et donc c'est très problématique. Il faut des décisions parlementaires à tous les niveaux de pouvoir et il faut, parce qu'on l'oublie, au niveau des communes, des décisions des conseils communaux pour les mêmes raisons, parce que ça permettra la publicité. S'il y a une décision parlementaire, ça nous représente normalement tous, parce que sauf si vous n'avez pas voté, c'est votre choix, mais alors vous ne plaignez pas. Moi je dis toujours aux students, vous avez voté, vous n'avez pas voté, celui qui ne va pas voter perd le droit de se plaindre. Vous n'avez pas voté, oubliez tout ce que je viens de dire. Vous avez voté parce que vous trouvez quand même, et par ailleurs parce que c'est une obligation juridique, mais vous avez voté pour des gens. Il faut qu'ils puissent s'exprimer. Comme ça, vous pouvez leur écrire. C'est ça, vous voyez, le mécanisme de la démocratie représentative. C'est, dis-toi, paye. Moi, je t'ai donné ma voix, mais qu'est-ce que tu racontes là sur ce Covid? Ou qu'est-ce que tu fais? Il faut vraiment qu'on le fasse. Il faut écrire à nos parlementaires. Il faut dire, qu'est-ce que vous faites dans cette crise? À quoi ça sert d'avoir le plus grand nombre de parlementaires par kilomètre carré? Et que quand il y a une telle crise depuis la mi-mars, il n'y en a pas un qui se prononce. Excusez-moi, franchement, c'est n'importe quoi. Donc nous, on a un moyen très simple, on en connaît, ça c'est bien. C'est bien le fait d'avoir plein de parlementaires comme ça autour de nous. Il y a via, vous savez ce qu'on dit, hein, la Belgique est un petit pays, un petit monde, hein, je ne sais plus, je suis toujours nulle pour les proverbes. Mais enfin, ou même par mail, quoi. Tiens, j'ai voté pour vous, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez rien décidé sur le Covid-19? Vous imposez le masque, vous fermez les universités, vous empêchez l'ORECA de fonctionner, ok? Mais qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Il faut qu'on fasse ça. Il faut que les parlementaires, qu'on a élus, qu'on paye. Et c'est très important. Moi, de nouveau, je suis à l'aise. Je serai la première à aller manifester le jour où on dit il ne faut plus payer les parlementaires. Je dis non. Moi, je ne veux pas que ce soit les plus riches qui aillent décider. Il faut payer les parlementaires et il faut bien payer les parlementaires. Donc, je manifesterai dans la rue pour dire il faut payer les parlementaires. Mais après, moi, je veux bien payer les parlementaires, mais pour qu'ils décident. Merci, Anne-Emmanuelle. Pour ceux que ça intéresse, demain, il y aura des ateliers qui vont plus loin que le Covid, mais qui vont de nouveau vers la transition démocratique au sens plus large. Et on verra justement des initiatives du genre référendum d'initiative citoyenne. On parlera aussi d'assemblée citoyenne et on parlera aussi d'un autre système. Rappelons qu'on se plaint des lobbies, mais le premier lobby mondial, c'est nous. Mais on n'en fait rien. Qui a dit à ses élus ou à ses candidats ce qu'il veut ? Qui contrôle ce qui s'en fait ? La très bonne idée mentionnée par Anne-Emmanuel est beaucoup plus populaire dans le monde anglo-saxon que chez nous. C'est un réflexe beaucoup plus courant chez eux de dire « je vais avoir contact avec mon représentant ». Les gens savent qui est leur représentant. Vous demandez ici qui est votre représentant. Encore une question peut-être et puis on va devoir arrêter. Je vais demander à une personne qui pose la question de venir la mettre au micro parce que sinon ce n'est pas enregistré. Merci madame. Donc moi en fait je voulais savoir ce qu'on pouvait vraiment faire concrètement en tant qu'individu parce que j'ai déjà écrit à mon bourgmestre qui n'a pas répondu, j'ai déjà écrit aussi, j'avais fait une lettre destinée au directeur d'école en les mettant face à leurs responsabilités personnelles par rapport à Milgram notamment puisque effectivement ils disent ah ben non mais nous on répond à des circulaires mais quoi ? Ils ont une responsabilité personnelle. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ou de plus efficace en tant que citoyen, de manière individuelle pour l'instant, parce qu'il n'y a pas assez de personnes, tout est trop divisé. Donc, si déjà tous ceux qui veulent agir puissent agir en tant qu'individu, ce serait bien. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous conseillez ? Et puis aussi, où sont les avocats, pardon, et les juges, enfin, à part vous, mais pourquoi on ne les entend pas ? Pourquoi ils ne bougent pas ? Pourquoi pas beaucoup, hein. Bon, voilà. Merci. Heureusement, on en a un bon ici. On n'allait pas prendre les autres. Hein. Alors, il faut avoir une ou deux idées simples si vous voulez bien communiquer. Hein. Ça, c'est comme ça. Je pense qu'il y a deux choses qu'on pourrait demander, que vous pourriez demander, où on pourrait se solidariser. C'est d'une part dire, nous voulons un débat explicatif sur les mesures. Deuxièmement, un engagement pour l'après. Je pense que ce sont deux choses claires, simples, qu'on peut exiger dans une démocratie. Et je réponds indirectement à votre question en disant que font les avocats ou les juges. D'abord, les juges, ils ont un devoir de réserve et ce n'est pas qu'un mot en l'air. On ne peut pas demander à un juge de trancher des questions et s'exprimer à l'avance sur ces questions. C'est aussi simple que cela. Hein ? Y a un principe d'impartialité. Qui est de la nature de sa fonction. Ils peuvent avoir des porte-paroles qui disent, en général, ça ne va pas, mais par nature, c'est sa fonction, il doit juger et il ne peut pas préjuger. C'est un peu basique, mais c'est cela. Les avocats, alors moi je me suis exprimé, il n'y a pas longtemps, il y a Maître Kaiser Gruber qui a fait un très bel article qui est paru, qui a été co-signé par le bâtonnier en exercice, 4 anciens bâtonniers, 7 professeurs d'université, dont Anne-Emmanuel, une 15aine d'avocats. On s'exprime, on en fait part. J'ai fait une carte blanche sur la crise sanitaire et l'état de droit. Qui a eu de l'écho, voilà, mais c'est vrai que ça ne va pas plus loin. Pour faire avancer une cause, et je crois que le respect de l'état de droit est une belle cause, il faut avoir ce qu'on appelle un test case. C'est ce que nous enseigne la sociologie du droit. Les grands mouvements qui ont évolué par des procès, c'est un procès symbolique soutenu par un mouvement citoyen. C'est comme ça que les questions d'égalité salariale entre hommes et femmes, par exemple, ont évolué en Belgique de manière significative, avec ce procès dans une biscuiterie, comment ça s'appelait encore ? Défense de salaire dans une biscuiterie, Bon, ça va me revenir, c'est pas grave. Mais il faut quelque chose de symbolique auquel un mouvement citoyen puisse adhérer. Mais un avocat, il ne cherche pas les clients. C'est les clients qui viennent chez l'avocat. Hein. Et ce n'est pas facile. C'est vrai que ce n'est pas facile. Nous sommes, parce que nous sommes, la problématique qui se pose est méta-individuelle. Elle est collective. On sent bien que c'est l'exercice collectif de nos droits. Et individuel. À titre personnel, j'ai enragé de certaines entraves. Mais je sens bien que c'est collectivement qu'il y a un problème. Et c'est difficile. D'abord, la class action n'existe pas en droit belge, enfin dans des cas exceptionnels, mais qui ne sont pas pertinents ici. Une action collective, mais il n'y a pas de class action pour ce genre de problème. Donc, il faudra avoir ou une ASBL ou quelques individus qui représentent ce qu'on appelle un test case, un cas un peu emblématique, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile, mais il faut poser collectivement et exiger collectivement des questions. Il faut que ce soit relayé par le monde politique et ça n'est pas facile, c'est vrai. Mais je pense qu'à terme, les débats qui ont lieu ici vont éclater au grand jour et vont laisser la place à des décisions. On va trancher certains points compliqués. Ce qui est aussi très important, à mon avis, c'est qu'il faut, on peut stigmatiser ce qui s'est passé, mais en ayant à l'esprit l'avenir et des choses constructives. Si c'est stigmatiser le passé pour ne pas faire évoluer les comportements et les mentalités, ça n'est pas très intéressant. En tout cas, c'est moins intéressant. Merci beaucoup. Bon, malheureusement, on est un petit peu pris par le temps. J'aimerais bien que ça dure 15 jours, mais je crois que tout ce qu'on peut faire, c'est remercier évidemment nos deux intervenants de ce matin. C'était vraiment du très haut niveau, c'était très dense, c'était très complet, c'était très clair, je pense. Pour le reste, je pense qu'on a intérêt à bien se souvenir de la notion de débat qui a été mentionnée par nos deux intervenants. Je crois que c'est une question de nombre. Il y a une chose qui reste sûre, c'est que Ils ne sont pas là avec les panzers comme Hitler ou Napoléon. Ils essayent de passer pour des démocrates. Donc, ils sont en tout cas, même dans le commun, intéressés à avoir votre voix. Donc, il faut leur faire comprendre que s'ils font ce qu'on veut, ils auront nos voix, quelle que soit leur couleur, leur parti, gauche, droite ou autre. Donc, il faut faire des débats, il faut relayer les informations, il faut arriver à faire basculer les nombres. Et c'est possible. On m'a dit que j'y étais pas. En 1944, en janvier, les Champs-Élysées étaient pleins pour Pétain. En juin, ils étaient pleins pour De Gaulle. Donc c'est possible de basculer. Mais il ne faut pas le faire de façon idiote. On ne va pas convaincre les comploteurs ni les complotistes de changer d'avis. Il faut avoir des faits, des documents, des lois, des chiffres sur lesquels on peut se mettre d'accord. Et ce ne serait pas bête d'avoir évidemment des officiels qui viennent expliquer pourquoi il y a certaines incohérences, pourquoi la pyramide est à l'envers, pourquoi on n'a plus de notion de loi qui est associée à une sanction. Senta, c'est à toi. Merci beaucoup. Voilà, très content d'être avec vous. Pendant que je vais parler, je vous montre des images de ce qui se passe à Berlin, de ce qui s'est passé le 29 août à Berlin. Si l'écran s'arrête, je vais le remettre au début. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce qu'aujourd'hui, je voudrais parler de la différence entre la réalité et la fiction médiatique et politique. Et je pense que ça fera un petit peu la transition entre ce dont nous venons de parler, c'est-à-dire la crise de l'état de droit, le manque de débat, le manque de démocratie, et puis l'exposé qui va suivre, et qui sera vraiment là, normalement le professeur Gala, sur la réalité vécue par les soignants, les médecins dans les hôpitaux, etc. Gestion de la crise sanitaire, les chiffres, etc., telle qu'elle a été proposée ou mise en narration, on va dire. Moi, je dirais presque en fiction. Voilà, par les médias et le politique. Je vais relancer. Pourquoi ? Parce que pendant que je passe une vidéo qui dure 8 minutes, je vais peut-être pas parler, je vais peut-être la couper avant la fin, mais quand je dis à Berlin, il y avait entre 1 million minimum, peut-être entre 1 million et 2 millions de personnes ce jour-là, les gens me disent « Ah non, c'est pas vrai ». Et puis on me dit, je dis « Mais moi j'y étais ». Et puis on me dit « Oui, oui, mais nous on a vérifié, hein. On a fait du debunking, tu dis n'importe quoi ». Il y avait 38 000 personnes officiellement. C'est vrai, si vous avez regardé, selon l'agence France Presse, Reuters, etc., il y avait 38 000 personnes. Donc moi, je vais vous montrer une partie de l'allée Unter den Linden et de la Friedrichstrasse. Il y avait beaucoup plus de monde que ça encore. Et vous me direz si vous pensez que c'est 38 000 personnes. Mais même quand on montre ça, c'est très intéressant. Certaines personnes comprennent instantanément que, de toute évidence, on leur ment, et on leur ment vraiment grave, si je puis me permettre. Et d'autres ne savent tout simplement pas admettre la réalité. Et ça, c'est un sujet très interpellant, parce qu'ici, il ne s'agit plus de discuter de chloroquine ou de choses dont les gens n'ont peut-être pas toujours les compétences pour les apprécier et se disent « Ok, c'est des débats spécialistes ». N'importe qui peut le voir. Je vous le repasse. Désolée pour ceux qui les connaissent, hein, ces images. Donc on voit... Comment elle s'appelle, la dame, vous savez ? Vous avez retenu ? Journaliste, la dame journaliste, non ? Comment elle s'appelle ? C'est un journaliste qui est indiqué dans la liste. Hein. Oui, oui, je sais, mais c'est... je ne me souviens pas de son nom. Qui est occupée à relancer la vidéo, du coup. Hop, elle reprend le micro. Donc voilà, moi, en tant que journaliste, je suis extrêmement choquée. Vraiment. Ça s'appelle, enfin pour moi, ce qui se passe là, ça s'appelle presque un suicide médiatique. Enfin, j'ai vraiment du mal à comprendre. Comment ça se fait que dans une ville où il y a 1,5 million de personnes qui viennent, qui parlent, qui manifestent pacifiquement, les médias de la même ville arrivent à dire il y avait une poignée de nazis, 38 000 personnes, c'est pas tellement, hein. Il y avait 38 000 personnes, est venu le neveu de l'ancien président John Kennedy. Je veux dire, c'était vraiment un moment historique pour les Allemands. Ils attendaient tous la même chose. Ils se souviennent tous, je pense que le fameux discours « Ich bin ein Berliner » est un des speeches les plus connus de l'histoire du siècle dernier. Et donc, ils l'attendaient tous. Et pas un mot dans les médias, alors qu'on se retrouve dans des circonstances très proches. Qu'est-ce que ça voulait dire « Ich bin ein Berliner » ? Ça voulait dire « Je suis un homme libre, je suis un homme qui se bat contre la dictature ». Parce que quand John Kennedy est venu en 1963, c'était 2 ans après la construction du mur de Berlin, c'était la grande menace communiste, et les gens qui étaient à Berlin, à Berlin-Ouest, ils avaient besoin de sentir ce soutien au niveau de la démocratie. Donc les Berliners, c'était les hommes libres. Et donc aujourd'hui, tous ces gens-là n'ont pas existé. Nous sommes en Europe, ce sont nos voisins, on en a parlé nulle part. Et là, il y a un très, très, très, très gros problème. Donc voilà, moi je ne sais pas ce qu'on peut faire directement. Ce que j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous parler des Allemands, parce que pour eux, quand on fait le lien vraiment avec tout ce qu'on vient de dire à la pyramide de droit qui s'est renversée, la perte de l'état de droit. Moi, quand je suis arrivée là-bas, Le premier soir, j'ai rencontré tous les organisateurs. On attendait d'aller chercher Robert Kennedy le lendemain matin. Et chaque personne rencontrée m'a dit la même chose. Ils m'ont tous dit, nous si on est ici aujourd'hui, c'est parce que nous avons vécu en tant qu'Allemands la difficulté et la honte de grandir avec le poids du passé, avec le poids du nazisme. Toute notre jeunesse, quand on partait en vacances, on nous disait « Tu viens d'où ?» Et on n'osait même pas dire « Nous sommes Allemands, nous sommes Européens, on vient d'Europe. » Tellement ça leur a pesé. Et puis, jusque pendant les années 80, il y a aussi eu le communisme, la menace du communisme. Et donc aujourd'hui, une troisième fois, le plus jamais, nous on a grandi toute notre vie avec ce plus jamais. Donc là, cette fois-ci, c'est tout juste inconcevable. La fin de l'état de droit, la menace de dictature qui se profile ici, les Allemands, ils en ont vraiment une conscience accrue. Ils ont vécu avec ça tous les jours de leur vie. C'est insupportable pour eux. Ils m'ont dit, hein, c'est une question de vie ou de mort. On ne peut pas. Je vous signale quand même que tout ce monde que vous voyez là, ça c'est pour faire le lien tout à l'heure avec le sanitaire, donc tous ces gens sont restés là sans masque, sans distance sociale, il n'y a pas eu de conséquences. Hein. On n'a pas vu les morts, on n'a pas dit « Ah, mon Dieu, tous les morts qu'il y a eu après la manifestation à Berlin, ah, ils n'ont pas respecté la bulle de 5, de 3, de 1 ». Je ne sais pas dans quel monde on vit là, mais il y a un moment où il faut vraiment ouvrir les yeux. Bon, je vais vous passer la slide suivante. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. On est genre combien dans la salle ? Combien on est ? Ouais, vous avez une idée ? Moi, j'ai aucune notion du nombre. 10, 20, 30, 40, 50. Ça va être compliqué. Ouais. De toute façon, cinquantaine. Comme on m'a averti seulement hier soir, que je vais plus tard. Okay. On regardera mieux après. Un petit remplacement, un petit changement de programme. J'ai pas eu le temps de vous ficeler grand chose. Mais de toute façon, je suis pas ici pour donner des chiffres, etc. Je pense que ce que le docteur Gala, à la fois les conférences que nous avons entendues juste avant, et celle qui va suivre aussi sur la présentation de la différence entre le clivage entre la réalité sur le terrain médical et la réalité qui est présentée dans les médias et qui est gérée par le politique, elle est exactement la même partout. Et donc, dans tous les pays, on nous sort, je suis désolée, un discours alarmiste, un discours pratiquement de gouvernement de terreur, qui n'a bien souvent rien à voir avec la réalité vécue. J'ai un autre exemple qui est un enregistrement de ce qui s'est passé en Espagne l'été dernier. On a assisté sur la chaîne RTE, qui est un peu la première, on va dire, en Espagne, à des grandes déclarations de « attention, bientôt la rentrée », le retour, la deuxième vague, etc. Il faut s'angoisser, la situation est inquiétante, etc. Et on a une journaliste qui a interviewé en direct le directeur des hôpitaux de Madrid, donc quelqu'un qui gérait plusieurs hôpitaux, et puis il disait « Mon Dieu, docteur, pouvez-vous nous donner des informations sur la situation inquiétante ?» Et ce médecin a dit « Ah mais non, je suis désolée, mais il n'y a rien du tout d'inquiétant. Les hôpitaux sont quasi vides, le personnel est parti en vacances, on a à peine quelques malades, bon, il y en a quelques-uns. Alors, effectivement, on arrête des gens, on fait des tests PCR, on les envoie à l'hôpital parce qu'on a décidé que c'était des cas. Moi, je ne peux pas soigner des gens qui ne sont pas malades. Et ce qui était vraiment intéressant, c'était de voir que la journaliste gardait son script. C'est-à-dire, oui, mais c'est quand même terrible. Est-ce que vous engagez du personnel supplémentaire pour la rentrée, etc. Donc, il continuait à mettre la pression en disant, mon Dieu, c'est vraiment horrible. Et ce médecin disait, écoutez, voilà, mais vous racontez vraiment n'importe quoi. Donc là, je pense qu'il faut vraiment se poser les questions aujourd'hui aussi de qui dirige tout ça. Bon, ça, c'est une question que je vais aborder un petit peu plus tout à l'heure, parce qu'il y a tous les agendas, les agendas qui ont amené à la crise. Moi, personnellement, comme je suis, entre guillemets, l'agenda sanitaire, j'avais vraiment une très très forte conviction du fait qu'il y aurait une déclaration de pandémie en hiver depuis l'été dernier, donc pas depuis 2019, août 2019. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Moi, ce que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, maintenant, pour le temps qui me reste, c'est de ce qui se passe en Allemagne. Je vous ai dit qu'en Allemagne, ils avaient vraiment cette conscience accrue de se dire « Nous risquons vraiment de perdre la démocratie et de retourner dans une dictature. » Et c'est vraiment tout un peuple qui se mobilise. Et j'aime beaucoup la façon dont ils le font. Mais c'est une mobilisation... c'est une mobilisation qui est là parce qu'ils ont une conscience qui est accrue, qui n'est pas la nôtre. Nous n'avons pas encore, si je peux me permettre, peut-être les gens qui sont ici, mais les gens autour de nous n'acceptent pas encore de voir les choses telles qu'elles sont, en tout cas les risques tels qu'ils sont. Mais ce courage qu'ils ont, c'est aussi une organisation collective. Et ça, je trouve, c'est vraiment remarquable. C'est-à-dire qu'on a effectivement, quelqu'un a posé la question, savoir pourquoi est-ce que tous les juristes ne sont pas là à se mobiliser spontanément pour faire... tous les corps défendants, je veux dire, de la société, sont là pour s'unir spontanément. Et donc, il y a des groupes de médecins, il y a aujourd'hui Ärzte für Freiwillige für Erklärung, qui est devenu AQ 2020, qui est aujourd'hui, donc c'est un groupe qui était mené par un médecin que certains d'entre vous ont vu, Heiko Schöning, mais derrière lequel il y a plus de 1000 médecins aujourd'hui, des médecins, des scientifiques, qui font une espèce de sorte en ligne, si vous voulez, d'enquête, ils mettent leurs données entre eux, ils se partagent les données, ils font des déclarations sur vidéo, sur YouTube, une enquête extra-parlementaire de ce qu'ils voient de la réalité qui est la leur et qui n'est pas celle qui est représentée à la télévision. Ces médecins ont eu le courage non seulement de parler, mais sont en train d'initier des initiatives, je vous dirais, tout à fait similaires dans plusieurs pays et aujourd'hui dans le monde entier. Donc on a assisté à la dernière manifestation à Berlin, mais en fait il y en a chaque semaine partout en Allemagne. On ne vous les montre pas, mais c'est plus ou moins permanent. Ils ont également profité pour réunir des médecins et des groupes similaires en Espagne. Ça démarre un petit peu en France. Il n'y a pas encore grand-chose chez nous, mais ça démarre quand même un petit peu aussi. Dans d'autres pays d'Europe encore, à Berlin, il y avait la doctoresse professeure Dolores Cahill, que certains d'entre vous ont vu. Je vous donnerai les noms parce qu'il faut vraiment regarder ce que ces gens-là font. Et donc aujourd'hui, on a plusieurs milliers de médecins de par le monde qui sont en train de s'associer pour mettre ensemble toutes leurs données et pour vraiment demander, voilà, je veux dire, qu'ils soient écoutés et qu'on arrête cette gestion complètement délirante et de donner une fausse information quant à la situation de terrain. C'est la même chose avec les avocats. Et ce qui est remarquable en Allemagne, c'est qu'il y a c'est grâce au mouvement Querdenken que ça a un petit peu démarré. Et ce sont les mouvements Querdenken, ce sont des mouvements d'initiative citoyenne, on va dire, qui ont démarré avec le début, en réaction justement à la quarantaine et aux premières pertes de liberté, pertes économiques, etc., à nos premières pertes de droits avec le confinement. Et donc il y a eu un petit peu partout dans plusieurs villes des ateliers, des comités citoyens qui se sont organisés. Et là-dessus se sont greffés des médecins, des groupes de juristes, des informaticiens, qui font circuler l'information, des entrepreneurs. Et donc tous ces gens des journalistes indépendants. Il y a un travail extraordinaire qui est fait par tous les youtubeurs, etc. Et donc tout le monde se mobilise en même temps et les gens le font chacun. Voilà, tout le monde a mis de côté, entre guillemets, une partie de sa vie professionnelle et se met au service de la cause, parce qu'ils se rendent bien compte que c'est... S'ils n'arrêtent pas les choses maintenant, ça ne va faire que s'aggraver. Donc ça, c'est clair. C'est pour ça que quand il y a, par exemple, quelque chose qui se passe, quand il y a une manifestation, ils sont extrêmement bien organisés, ils forment des équipes citoyennes. Ils forment, par exemple, des équipes pour désamorcer la violence. C'est un mouvement qui est très pacifiste, vraiment style Gandhi. Moi, je n'ai jamais vu une foule aussi énorme et aussi calme, aussi paisible. J'ai senti quelque chose, alors qu'il y a vraiment de quoi être en colère quand on voit ce qui se passe. Et j'ai senti un tel désir de ne pas retomber dans les schémas qui ont toujours été les mêmes, révolution, contre-révolution, une violence répond à l'autre. Et ce qui est extraordinaire, ce qui est incroyable malheureusement, c'est que malgré le fait, on a vu des rues entières avec les Robocop, comme on disait, bloquer la foule, l'empêcher de rejoindre le centre de la manifestation, tous habillés vraiment comme s'ils avaient fait affaire à des gangs de terroristes. Et enfin,